sifflère. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est des plus gros sur terre. Depuis que les hommes ne font plus que Lucifer. Radio Mix Floor. Tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new hit. Ici, new hit. Sur Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Ce soir, soirée Radio Mix Floor. Live, retransmise en simultané dans toute la France sur radiomixfloor.fr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Connexion. Let's go. Allez, bienvenue en ce mardi soir, c'est parti pour le Planet Mix de l'été, 20h tout pile. DJ Sev au platine jusque 22h, radiomixfloor.fr pour nous écouter, ou alors via l'application gratuite d'Orange Radio sur la TV d'Orange ou encore la Freebox. Nous on démarre 7 heures de son avec le son de Martin Solveig qui débarque juste derrière moi. Vous écoutez la première web radio Dance Floor de France le mardi soir. Je m'appelle Quentin et on est parti ensemble pour 2 heures de mix non-stop. Let's go! Radio Mix Floor live au platine, DJ Sev. We'll be right back.

mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Levanto! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo soy vivana, la van a envidiar, baila como diosa, si no volver. Radio Mix Floor Live. Au platine, DJ Sev. We

Soirée avec le son de Radio Mix Floor, 20h passées de 32 minutes, vous êtes en vacances au taf ou sur la route des vacances ou même chez vous, c'est DJ Sev qui vous fait bouger jusque 22h et demain dès 20h c'est DJ Netek qui prendra le relais avec des mix de ouf. Côté message, vous êtes hyper nombreux là comme Floor de Marseille, DJ Sev au platine, le kiff pour une grosse soirée entre meufs et big up à Radio Mix Floor, je vous adore. Et bien big up à vous les filles et pour ma part j'oublie pas mon pote DJ Dreamstyle là qui fête son anniv aujourd'hui avec Alex qui est à côté de moi. Bon anniversaire à toi mon pote, Dreamstyle que vous retrouverez mardi prochain. Et pour la suite, on vous envoie toutes les grosses bombes dance électro du moment en un seul mix. C'est DJ Chev jusque 22h, bienvenue. Every time you spend the night, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. And it shows. Yeah, yeah, yeah. Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long.

para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, para você, vem dançar, para você, para você, capoeira. Les plus grands DJ Mix pour vous dans Planet Mix sur Radio Mix Floor. Web Radio Dance Floor de France le mardi soir, tout pile 21h. Et voici pour vous la bombe de The Avenger, Sander Van Dorn et Oliver Heldens qui arrive. C'est le week-end prolongé pour tout le monde ici sur Radio Mix Floor et c'est le Planet Mix jusqu'à 22h avec DJ Sam au platine. Bienvenue. Radio Mix Floor live au platine, DJ Sam. Planet Mix. L'émission numéro 1 pour faire la teuf sur Radio Mix Floor.

L'émission numéro 1 pour faire la teuf sur Radio Mix Floor. Thank you. branché sur Radio Mixer, hein. Vous suivez le Planet Mix jusqu'à 22h avec tous les meilleurs mix dance électro qui cartonnent le plus dans les boîtes de France et d'Europe. C'est DJ CF qui gère les platines jusqu'à 22h. Du côté message, beaucoup de dédicaces avec Clara de Paris qui fait une dédicace à son chéri Jérôme et à toute l'équipe de Radio Mixfloor. Merci de nous faire vibrer comme ça. Eh bien, big up à toi Clara, merci de nous écouter partout en France. Nous, on continue de faire la teuf sur la première web radio dancefloor de France avec DJ CF aux platines. Restez là. Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension burning, fever high. Take me to another dimension tonight. Yeah. au platine, DJ Sev.

22h pile sur la première web radio Dance Floor de France, le Planet Mix, qui revient demain en direct avec tous vos sons préférés. On remet le compteur à zéro et c'est au tour de DJ Netech qui prendra le relais sur les platines de la radio. Et puis on a DJ Sev qui est avec nous en live. Coucou. Alors comment s'est passé ces deux jours à la radio en direct? Ah bah super comme d'habitude. T'as envoyé du lourd hein. Merci. On peut pas dire l'inverse. Ça fait plaisir. Tu reviens nous voir quand tu veux? Ah pas de problème. Sans problème, bah, voilà. Je pense que je vais venir la semaine prochaine voir Dreamstyle jouer ici. Je vais l'accompagner un petit peu. Très bien, bah, tu feras une petite dédicace aussi si tu. Ouais, pas si de soucis. Avec plaisir. Voilà, ça va envoyer du lourd. Je vous l'ai dit une nouvelle fois demain, partir de 20h avec DJ Netech au platine. Et c'est au tour d'Alex qui prendra ma place derrière le micro. Alex qui vous réveille demain dès 10h pour le morning de l'été. Et à 20h, il sera en live avec vous pour vous accompagner vers le week-end avec DJ Netech. Quant à moi, je serai de retour dès vendredi matin pour les infos insolites dans le morning. Ciao tout le monde, bonne semaine. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. C'est ce qui faisait tout son charme quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, Paris, Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris, je me bats dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam.